بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد, mes frères, on se réunit aujourd'hui pour aborder un sujet très important qui est le mérite de la science et la noblesse de ces gens. Et je me suis basé sur cela, sur un article du noble Cheikh Abdullah ibn Abdelrahim al-Bukhari, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. Et c'est un article qu'a traduit mon frère bien-aimé Abu Bakr, Abu Abdillah al-Firansi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve également. Et l'objectif est de nous rappeler le mérite de la science, ainsi que le mérite des gens de science, et ce afin de nous encourager à faire des efforts dans la recherche de la science, ainsi que dans la mise en pratique de cette science que l'on apprend, afin de faire partie de ces gens. Et lorsqu'on parle de la science, on parle bien sûr de la science du Coran et de la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Comme l'a dit l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullahu ta'ala, la science, c'est Allah a dit, son messager a dit, les compagnons ont dit, ce sont certes eux les détenteurs de la connaissance. Ce sont certes eux les détenteurs de la connaissance. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mis en évidence les mérites de la science dans son livre, ainsi que le rang élevé des gens de science. Et les textes prophétiques rapportés de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont également appuyé ceci et ils y ont encouragé. Et on va donc voir les mérites de la science et la noblesse de ces gens dans différents textes. Premièrement, nous allons le voir dans les versets du Coran. Ensuite, dans des hadiths rapportés du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et enfin, à travers des récits de nos pieux prédécesseurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Allah a fait descendre sur toi le livre, c'est-à-dire le Coran, et la sagesse, c'est-à-dire la sunna, et il t'a enseigné ce que tu ne savais pas, et la grâce d'Allah sur toi est immense. On voit donc dans ce verset que parmi la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a le fait qu'il lui a enseigné la science. Il y a le fait qu'il lui ait enseigné la science. Ceci est donc une grâce immense d'Allah subhanahu wa ta'ala sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a également dit « Innama yakhsha Allah min ibadihi l'ulama » Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. L'imam Ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala, a dit dans l'explication de ce verset, c'est-à-dire que ne le craignent comme il doit être craint que les savants le connaissant. Car plus la connaissance de l'immense, celui qui est capable de toutes choses et qui sait toutes choses, celui qui se caractérise par les attributs parfaits et les plus beaux noms, plus la connaissance et la science à son sujet sont complètes, plus la crainte qui lui est vouée sera grande et abondante. Plus la crainte qui lui est vouée sera grande et abondante. C'est-à-dire que plus le serviteur va connaître Allah subhanahu wa ta'ala, plus il va connaître Allah par ses noms et ses attributs, plus sa crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala va être grande. Et l'éminent savant, Abdurrahman ibn Nasr al-Si'di rahimahullahu ta'ala, a dit dans l'explication de ce verset, « Plus l'homme est savant au sujet d'Allah, plus il le craindra. » Et la crainte d'Allah l'obligera à s'écarter des interdits et à se préparer pour la rencontre de celui qu'il craint. Et ceci prouve le mérite de la science, car elle appelle à la crainte d'Allah. Et ceci prouve le mérite de la science, car elle appelle à la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le troisième verset est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. « Shahid Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilm qa'iman bil qist » La ilaha illa huwa al-aziz al-hakim. Allah atteste, ainsi que les anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité méritant l'adoration à part lui, le mainteneur de la justice. Point de divinité méritant l'adoration à part lui, le puissant, le sage. L'imam al-Qurtubi, rahimahullah ta'ala, a dit à propos de ce verset, ce verset prouve le mérite de la science et la noblesse des savants. Car s'il y avait quelqu'un de plus noble que les savants, Allah les aurait joints à son nom et celui des anges, tout comme il a joint les savants. Tout comme il a joint les savants. Donc dans ce verset, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait joint à son nom et à celui des anges les savants, ceci prouve le mérite des gens de science. Ceci prouve le mérite des gens de science. Et le verset suivant est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Telles sont les paraboles que nous citons aux gens. Telles sont les paraboles que nous citons aux gens. Cependant, seuls les savants les comprennent. Seuls les savants les comprennent. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, a dit dans son tafsir, c'est-à-dire que seuls les savants, enracinés et expérimentés dans la science, les comprennent et les méditent. Ils comprennent les paraboles et ils méditent les paraboles mentionnées dans le Coran. Et l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, il a dit dans son livre, La clé de la demeure du bonheur, il y a dans le Coran entre 40 et 50 paraboles. Il y a dans le Coran entre 40 et 50 paraboles. Et certains salafs et certains prédécesseurs pleuraient lorsqu'ils lisaient une parabole sans la comprendre. Et ils disaient, je ne fais pas partie des savants. Je ne fais pas partie des savants. Ils pleuraient lorsqu'ils ne comprenaient pas une seule parabole. Alors que devrait faire celui qui lit le Coran sans ne rien comprendre ou que très peu, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner et d'accroître nos connaissances. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner et d'accroître nos connaissances. Certains salafs, lorsqu'ils lisaient une parabole du Coran, s'ils ne la comprenaient pas, ils se mettaient à pleurer, car ils disaient « Je ne suis pas un savant » en faisant référence à ce verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ » Cependant, seuls les savants les comprennent. Quant à beaucoup d'entre nous, on lit le Coran sans même méditer, sans même chercher à comprendre ses paraboles. On demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner. On demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner. Dans Surat Al-Ma'ida, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهِ فَقُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat Al-Ma'ida, selon la traduction des sens rapprochés, il t'interroge sur ce qui leur est permis. Dit, vous sont permises les bonnes nourritures, ainsi que ce que capturent les carnassiers que vous avez dressés. Les carnassiers que vous avez dressés. En leur apprenant ce qu'Allah vous a appris. Mangez donc de ce qu'elle capture pour vous et prononcez dessus le nom d'Allah et craignez Allah, car Allah est certes prompt dans les comptes. Car Allah est certes prompt dans les comptes. Et écoutez ce qu'a dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala au sujet de ce verset. Il a dit rahimahullah, Allah a certes décrété que la proie du chien ignorant est une bête morte dont la consommation est interdite. C'est-à-dire que si un chien qui n'est pas dressé, un chien ignorant, il capture une bête et que cette bête meurt, alors la consommation de cette bête est interdite. Pourquoi ? Car ce chien n'est pas dressé. Ensuite, il a dit, rahimahullah, et il a autorisé la consommation de la proie du chien dressé. Et ceci est dû à la noblesse de la science. N'est permis que la proie du chien qui a de la science. Quant au chien ignorant, il n'est pas permis de consommer sa proie. Et ceci prouve donc la noblesse de la science et son mérite. Et ceci est la parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Le chien qui est dressé, le chien qui a de la connaissance et de la science, il est permis de manger sa proie. Il est permis de manger sa proie. Quant au chien ignorant, alors sa proie est considérée comme une bête morte qu'il n'est pas permis de consommer. Ceci était donc quelques versets du Coran prouvant le mérite de la science et la noblesse de ces gens, et ils sont encore nombreux à ce sujet. Nous allons donc passer maintenant aux textes prophétiques. Et ils sont également nombreux, et nous allons en mentionner quelques-uns, incha'Allah ta'ala. Parmi ces textes, premièrement, il y a le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans le recueil authentique, d'après Muawiyah, radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui à qui Allah veut du bien, il lui accorde la compréhension de la religion. » Celui à qui Allah veut du bien, il lui accorde la compréhension de la religion. Ou alors, on pourrait traduire Celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit en religion. Celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit en religion. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit, ceci prouve que celui qu'il n'a pas instruit au sujet de sa religion, il ne lui a pas voulu du bien. Quant à celui à qui il veut du bien, il l'instruit au sujet de sa religion. Quant à celui à qui il veut du bien, il l'instruit au sujet de sa religion. Et Al-Hafiz al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, a dit dans l'explication de l'authentique de Muslim, ceci montre le mérite de la science, ainsi que de l'apprentissage de la religion et y encourage. Et la cause de cela est qu'elle mène à la crainte d'Allah. Et la cause de cela est qu'elle mène à la crainte d'Allah. En effet, comme on l'a vu dans le verset précédemment. Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala, ils ont aussi rapporté d'après Sahl ibn Sa'd, radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali, qu'Allah guide par ta cause, un seul homme est meilleur pour toi que de posséder des chameaux roux. Est meilleur pour toi que de posséder des chameaux roux. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit, ceci prouve le mérite de la science et de l'enseignement, ainsi que la noblesse du rang des gens de science. Ainsi que la noblesse du rang des gens de science. Car si un seul homme est guidé par le savant, ceci est meilleur pour lui que les chameaux roux, qui sont les meilleurs et les plus distingués auprès de leurs propriétaires. En effet, c'était parmi les plus grandes richesses à leur époque. Ensuite, il dit, rahimahullah, alors que penser de celui par qui sont guidés chaque jour de nombreuses personnes? Alors que penser de celui par qui sont guidés chaque jour de nombreuses personnes? Il n'y a pas de doute que sa récompense sera immense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide par ta cause une seule personne, c'est meilleur pour toi que les richesses de ce bas monde. Ceci doit donc t'encourager à quoi? Ceci doit t'encourager à l'apprentissage de la science, ainsi qu'à sa mise en pratique, puis à y appeler les gens. Car ceci est meilleur pour toi que les richesses de ce bas monde. Car ceci est meilleur pour toi que les richesses de ce bas monde. On demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la science profitable ainsi que sa mise en pratique. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, a rapporté dans ce recueil authentique, d'après Ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhumah, qui a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, pendant que je dormais, un récipient de lait m'a été donné. Un récipient de lait m'a été donné. Je bus donc jusqu'à ce que je le vis s'écouler abondamment de mes ongles. Je remis alors à Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, ce qu'il restait. Je remis alors à Omar ibn al-Khattab ce qu'il restait, c'est-à-dire ce qu'il restait de ce lait. Ils dirent alors, quelle interprétation donnes-tu à cela au messager d'Allah? Quelle interprétation donnes-tu à cela au messager d'Allah? Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, c'est la science. C'est la science. Al-Hafidh ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, a dit dans Fath al-Bari, Ibn al-Munir a dit, ce qui indique le mérite de la science dans le hadith est qu'il a interprété la science comme étant ce qui reste du prophète sallallahu alayhi wa sallam et une partie de ce qu'Allah lui a donné. Et une partie de ce qu'Allah lui a donné. La science est donc ce qui reste du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Celui donc qui souhaite prendre ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé, il doit alors s'empresser d'apprendre de la science, d'apprendre la science du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a également dans ce hadith le mérite de Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, le calife bien guidé, le meilleur homme de cette communauté après Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, le meilleur homme de cette communauté après Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhum wa ani sahabati ajma'in, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée et agrée l'ensemble des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Muslim rahimahullah a rapporté dans son recueil authentique, d'après Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'enfant d'Adam meurt, ses œuvres s'interrompent, à l'exception de trois. À l'exception de trois. Une aumône continue. Une aumône continue. Une science dont on profite. Une science dont on profite. Et un enfant pieux qui invoque pour lui. Et un enfant pieux qui invoque pour lui. Ceci sont donc les trois choses qui profitent aux morts après qu'il ait quitté ce bas monde. Al-Hafidh al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, a dit, ceci indique le mérite de la science et encourage à l'étudier davantage et à la laisser en héritage par son écriture et son explication. Et ceci indique également qu'il convient de choisir parmi les sciences les plus bénéfiques Et ceci indique également qu'il convient de choisir parmi les sciences les plus bénéfiques. En effet, plus la science que tu vas laisser derrière toi est bénéfique, plus la récompense sera immense. Et ceci donc, ce hadith, il nous encourage à apprendre la science, mais pas seulement. Il nous encourage également à la propager pour la laisser en héritage derrière nous. Et regardez ce qu'il a dit l'imam An-Nawawi rahimahullah. Il a dit à la laisser en héritage par son écriture, ainsi que par son explication. C'est-à-dire que celui qui recopie la science et la propage. Et de nos jours, on peut dire par exemple, celui qui photocopie des paroles profitables des savants et les distribue à son entourage. Celui qui imprime des dépliants, celui qui achète des dépliants et les propage, ceci fait partie de la science profitable qu'il va laisser derrière lui, inshallah ta'ala. Et tant que les gens profiteront de ce que tu as laissé parmi ces dépliants, parmi ces livres, parmi ces choses que tu as imprimées, alors tu seras récompensé pour cela, et ce même après ta mort. C'est pour cela qu'il est important de propager la science sous forme écrite ou autre, par les audios, etc. Le noble compagnon du prophète, Abu Darda, radiallahu ta'ala anhu, a dit: j'ai entendu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dire: celui qui emprunte un chemin par lequel il recherche une science, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. Certes, les anges tendent leurs ailes par agrément pour celui qui recherche la science. Certes, tous ceux qui sont dans les cieux et la terre, même les poissons dans l'eau, demandent pardon pour le savant. Le mérite du savant par rapport à l'adorateur est comme le mérite de la lune par rapport aux autres étoiles. Et certes, les savants sont les héritiers des prophètes, et les prophètes n'ont laissé en héritage ni dinar, ni dirham, mais ils ont laissé comme héritage la science. Celui qui l'apprend a alors certes saisi une part prospère. Et le hadith est rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse miséricorde. Ceci est un hadith immense, prouvant les mérites de la science, prouvant les mérites de l'étudiant en science, et prouvant le mérite et la noblesse du savant. Certes, cette science est ce que les prophètes, alayhim salatu wa salam, ont laissé en héritage. Et celui qui souhaite une part prospère, il devra alors rechercher cette science. Et dans un récit, il est rapporté que le noble compagnon du prophète, Abu Hurayrata radiallahu ta'ala anhu, a dit aux gens qui se trouvaient dans le marché: qu'ai-je donc à vous voir ici, alors que l'héritage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est en train d'être partagé dans la mosquée. Les gens se sont alors dirigés vers la mosquée. Et ils n'ont vu que des gens, des assises de rappel, des gens en train d'apprendre le Coran et de le réciter. Ils sont alors revenus vers Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhu, et lui ont dit: nous n'avons rien trouvé. Il leur dit alors: qu'avez-vous vu? Ils ont dit: nous n'avons vu que des gens dans des assises de rappel, d'autres en train de lire le Coran, etc. Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu leur a alors dit: malheur à vous, ceci est l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est en train d'être partagé. Et ce récit, je ne voulais rapporter que selon le sens et non pas selon ses termes exacts. Enfin, parmi ce qui est rapporté des salafs, des prédécesseurs à ce sujet, il y a ce qu'a mentionné l'imam An-Nawawi rahimahullah dans Al-Majmu' d'après Ali radiallahu ta'ala anhu, qui a dit: Il suffit à la science comme mérite que la prétende celui qui ne la maîtrise pas et qu'il se réjouisse lorsqu'il y est affilié. Et il suffit à l'ignorance comme blâme que celui qui baigne dedans s'en désavoue. Ceci est un récit immense de Ali radiallahu ta'ala anhu. En effet, la science, il lui suffit comme mérite que tout le monde la prétend, même celui qui ne la maîtrise pas. Et il se réjouit si on l'affilie à la science. Si on dit de lui qu'il est étudiant en science, alors que c'est un grand ignorant, il va être fier de cela. Alors que l'ignorance, tout le monde la fuit. Personne ne veut être affilié à l'ignorance, même celui qui baigne dans l'ignorance, il se désavoue et il prétend quoi ? Il prétend à la science. Ceci montre donc le mérite et la noblesse de la science et de ces gens. Salih ibn Marran, al-Shaybani rahimahullah ta'ala, a dit: « Toute personne ayant un métier ne peut pratiquer son métier sans un outil. Toute personne ayant un métier ne peut pratiquer son métier sans un outil. Et l'outil de l'islam est la science. Et l'outil de l'islam est la science. C'est-à-dire que nul ne peut pratiquer l'islam comme il se doit sans avoir la science. En effet, nul ne peut unifier Allah subhanahu wa ta'ala s'il n'a pas la science de cela. Nul ne peut prier comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait sans avoir la science à ce sujet. Nul ne peut donner l'aumône, jeûner, accomplir le pèlerinage, etc. sans avoir la science à ce sujet. On voit donc que la science est indispensable. Al-Sha'abi rahimahullah ta'ala a dit « L'heure ne viendra pas, jusqu'à ce que la science devienne ignorance et que l'ignorance devienne science et que l'ignorance devienne science. » Ibn Abi Shayba et Abu Nu'aym ont rapporté qu'Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah ta'ala a dit: les savants sont de trois sortes. Un homme ayant vécu avec sa science et avec laquelle les gens ont vécu avec lui. Un homme ayant vécu avec sa science et avec laquelle personne d'autre que lui n'a vécu. Et un homme dont les gens ont vécu avec sa science, mais ayant anéanti sa propre personne. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Et ce qu'il a voulu par cela est que le premier, il a appris la science, il l'a appliquée et il l'a enseignée. C'est pour cela qu'il a vécu avec sa science et les gens ont vécu avec lui. Tandis que le deuxième, il a appris, il a mis en pratique, mais il n'a pas enseigné. Il est donc le seul à avoir vécu avec sa science. Et personne d'autre que lui n'a vécu avec lui. Quant au troisième, il a appris, il a enseigné, mais il n'a pas appliqué. Les gens ont donc vécu avec sa science. Mais quant à lui, il a anéanti sa propre personne. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir et de nous accorder le salut. Méditons donc, mes frères, sur ces textes que l'on vient de mentionner et ces récits avec attention. Et on doit demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout en étant sincère, afin d'acquérir la science et de la mettre en pratique. Et cette science, on ne doit l'apprendre que des gens de la sunna. Et on doit prendre garde à ne pas prendre cette science des gens de l'innovation et des passions et ne pas la prendre également des gens ignorants de cette science. Car de nos jours, nombreux sont ceux parlant de science alors qu'ils contredisent la sunna et s'opposent à celle-ci. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala me préserve ainsi que vous de ces gens. On demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a écouté et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi ceux qui apprennent la science et la mettent en pratique et la propagent après cela. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khayran. Et on commencera inshallah ta'ala la semaine prochaine la lecture des hadiths de l'imam al-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum.